Vous aimez être à la pointe du raffinement ? DS Automobile présente DS7 Crossback. Avec ses projecteurs ciselés tels des pièces de joaillerie et ses feux tridimensionnels en forme d'écaille, ce SUV d'avant-garde incarne le savoir-faire français. Paré de matériaux nobles, comme le cuir Napa sublimé par des coutures point perles, l'alcantara ou le cristal noir, DS7 Crossback signe un intérieur haute couture. DS Automobile vous convie à essayer DS7 Crossback dans son nouveau réseau exclusif. Détails sur dsautomobile.fr. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 15 mai 1768. Exactement, il y a 250 ans aujourd'hui, donc grand anniversaire, nous sommes sous le règne de Louis XV. C'est le jour où la Corse est devenue française, vous en avez entendu parler vous ? Oh oui. Ah bon ? Ben moi je trouve qu'on en parle très peu de ce 250e anniversaire. À l'époque, l'île de Beauté est possession de la République de Gênes, seulement les rebelles corses donnent maille à partir aux Génois. Et en cette deuxième partie du XVIIIe siècle, ils se sont vus contraints d'appeler les Français à leur secours. Se trouve que le Royaume de France sort tout juste de la guerre de 7 ans, qu'il est exsangue, qu'il a dû céder de nombreux territoires à l'Angleterre, notamment la Nouvelle-France et tous les comptoirs des Indes. Eh bien, cet appel à l'aide tombe à pic. Le principal ministre de Louis XV, qui s'appelle Choiseul, voit tout de suite là un moyen de repositionner la France en Méditerranée. Oui, on a prêté main forte aux Génois, mais voilà. À leur détriment. En quelque sorte, l'affaire est conclue par le traité de Versailles, ce 15 mai 1768 donc. La France rétablit l'ordre dans l'île de Beauté et en échange, elle va pouvoir administrer la Corse et profiter de sa position stratégique. Si la République de Gênes veut la récupérer, elle devra verser 40 millions de livres en remboursement des frais engagés par la France. Autant vous dire que ça fait beaucoup d'argent. La France agit un peu comme un prêteur sur gage, si vous voulez. La République de Gênes sera évidemment incapable de débourser un tel montant. Et donc, selon l'accord, la France devient souveraine en Corse. Soit dit en passant, la guerre contre les révoltés ne sera pas de tourpeau. 20 000 hommes vont débarquer sur l'île et il faudra un an à Louis XV pour s'en rendre maître. Mais techniquement, quel est alors le statut de la Corse par rapport à la France ? Alors à partir de 1789, les choses deviennent beaucoup plus claires. L'île est intégrée au territoire tout simplement par décret. Or, selon les termes du traité, Gênes n'a pas cédé à la France ses droits sur la Corse. Du reste, celle-ci sera de nouveau indépendante entre 1794 et 1796 avec l'aide des Anglais et sous l'égide de Paoli, mais c'est une autre histoire. Donc, quand même aujourd'hui, 250e anniversaire de la Corse française. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour une immersion au cœur de l'histoire d'un conquérant anglais, le prince noir.